Oh oh, bonjour à tous, amis tipeurs du samedi. Aujourd'hui, une émission un petit peu plus longue également, rien que pour vous, chers tipeurs. Donc vous le savez, l'émission là va s'arrêter pendant quelques jours pour que je recharge un petit peu les batteries. Elle reprendra le 2 janvier pour tout le monde, mais vous aurez une édition pour vous le samedi 30. Hein. Pour vous, ça ne s'arrête pas. Ce qui me paraît tout à fait normal. Donc le samedi 30, vous aurez également une émission inédite. En tout cas, pour revenir sur celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle sera donc un peu plus longue que d'habitude, avec notamment une grosse rubrique revue de presse rétro, j'espère qu'elle vous plaira, consacrée à Final Fantasy. Et donc, que vous dire, si ce n'est que, je pense, ce qui serait bien, c'est en fait d'attaquer maintenant, non? Voilà, comme ça on va pas perdre trop de temps, car j'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin. Allez, c'est parti! Hop, une belle occasion pour moi de reparler de Layers of Fear, l'un des meilleurs jeux d'horreur de tous les temps. Oui, je vous le dis, donc on en a déjà parlé, je crois, jeudi ou vendredi, car il était disponible gratuitement pendant 2 jours sur GOG, hein, sur GOG. Et là, nous venons d'apprendre que le fameux jeu du studio polonais Bloober Team allait arriver sur Switch pour début 2018. Layers of Fear, hein, je le rappelle, c'est en vue à la première personne, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de combat gore, etc. Tout est dans l'ambiance, tout se passe dans une vieille maison où l'on découvre un peu toute la tragédie qu'il s'est passée. C'est un jeu qui parle de folie, de rapport à l'art, de rapport à la maladie, mais n'ayez pas peur, si même moi, hypochondriaque en puissance que je suis, j'ai apprécié, c'est que ça devrait bien se passer pour vous également. Ce jeu est truffé d'idées géniales de mise en scène. C'est vraiment une leçon, de jeu d'horreur. Comme je le disais aussi, je l'estime autant que Resident Evil 7 hein, dans mon cœur, donc c'est dire. Alors, il y aura aussi des petites options supplémentaires par rapport aux versions qu'on connaît, qu'elles soient sur PC, sur PS4. Là, ce portage Switch hein, aura donc une extension que moi, je n'avais pas eu le temps de faire hein, à l'époque, parce que je rappelle que le jeu est sorti en 2015. Une extension qui s'appelle Inheritance. Alors, j'ai jamais eu le temps de la faire. Il y aura aussi les vibrations HD des Joy-Con qui vont être mis à contribution. Et les capacités tactiles de l'écran seront mises à l'honneur quand on sera en mode portable. Bref, oui, j'ai oublié de vous dire que le jeu était sorti aussi sur Mac et Xbox One. Que je ne dise pas de bêtises, que je n'oublie pas ce détail très important. Là, au moment où j'enregistre l'émission, on n'a pas de date précise sur la sortie de Layers of Fear sur Switch. Mais voilà, la console de Nintendo accueille encore un grand hit, et celui-ci, si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous avez envie en 2018 hein, de nourrir votre Switch avec du bon gros jeu d'horreur vraiment intelligent, bien fichu, captivant, et ben notez-le sur vos petites tablettes, je vous le conseille vraiment, vraiment de tout mon cœur. Ça y est, il est tombé, le premier trailer officiel de Catherine Full Body. Vous savez, la ressortie prochaine du jeu Catherine de la team Persona, le jeu mêlant aventure, réflexion, un petit peu de visual novel, enfin un système de dialogue hein, qui s'apparente au visual novel. Enfin, c'était un ovni que j'avais adoré sur PlayStation 3. Il était également sorti hein, sur Xbox 360. Et donc, vous le savez, il va revenir sur PlayStation 4 dans une version donc augmentée et avec une nouvelle entre guillemets tentatrice qui se nomme Rin, une joueuse de piano bar et qui jouera dans le bar que notre héros Vincent, trentenaire qui se pose des questions sur son engagement envers sa copine, pourra donc croiser, j'ai l'impression, beaucoup de soirs dans la semaine. Donc un trailer vient de tomber, très très beau, comique aussi, avec une scène, je ne vous en dis pas plus, hein, de toute façon vous tapez Catherine Full Body, tac, sur Google, vous allez tout de suite tomber dessus. Ce qui est un petit peu plus énigmatique, c'est que Atlus annonce le jeu pour le prochain hiver. Alors, est-ce que c'est cet hiver-ci ou est-ce que c'est l'hiver 2018? Alors là, sur Internet, les débats vont bon train. On se fight pour savoir si ça sort tout de suite maintenant, ce qui serait en même temps génial. Et d'un autre côté, vu tous les jeux qui nous restent encore à faire, ce serait peut-être un peu trop tôt. Mais en même temps, tiraillé par l'envie que le jeu sorte maintenant, bah, vous voyez, c'est compliqué. Mon Dieu que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu nous fais, Atlus? En tout cas, je pense qu'Atlus a compris que ce jeu a acquis au fil du temps hein, son petit statut culte, hein, mine de rien. Et donc, bah, dès qu'on en saura plus sur la sortie, sur la fenêtre de sortie exacte de ce Catherine Full Body, eh ben, comptez sur moi pour vous en reparler très certainement dans votre émission de la semaine prochaine, du samedi 30. Reparlons du monde merveilleux de la baston avec la compile Street Fighter Anniversary Collection, donc hein, vous le savez, qui doit arriver très bientôt, on en a parlé dans l'émission. Mais figurez-vous que les Japonais l'ont mauvaise, les Japonais ne sont pas contents, puisque dans cette compilation, hein, donc qui rassemblera les 12 jeux phares hein, de la saga Street Fighter, du premier en passant par le mythique numéro 2, le 3, le 3.3, qui est tant adoré, les Street Zero, etc. Et justement, les Street Zero, oui et non, puisque vous savez que les Street Fighter Zero, chez nous, se sont toujours appelés, en tout cas en Occident, les Street Fighter Alpha. Eh ben, les Japonais ne sont pas contents parce que ils auront droit à la version donc entre guillemets occidentale de tous ces Street Fighter. Donc, c'est-à-dire que Street Fighter Zero s'appellera Street Fighter Alpha, y compris chez eux. Ce qui n'a pas manqué de les mettre un petit peu en rogne. En tout cas, les fans hardcore hein, de la saga au Japon ne sont pas très contents. Et c'est pour cela donc, que cette compilation sera agrémentée du terme international sur sa jolie jaquette au Japon. Là, ça fait penser un petit peu, vous savez, quand... Je prends un exemple tout bête, hein, mais quand les Final Fantasy étaient localisés chez nous avec des petits contenus en plus, Square en profitait pour les ressortir au Japon avec voilà, le petit sigle international. Bah là, c'est une version internationale de base, tout de suite, voilà, qui sort au Japon. D'ailleurs, Hideki Kamiya s'en est moqué hein, sur Internet en traitant Capcom de branleur. Bon, ça, c'est toujours ce cher Hideki Kamiya qui a toujours un langage fleuri, le papa de Bayonetta. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en avait parlé dans l'émission de la semaine dernière, du samedi. Vous voyez, la boucle est bouclée. Mais oui, mais tout ça, c'est préparé, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça ne paraît pas comme ça, mais derrière ce ton désinvolte, il y a du travail, beaucoup de travail. Mais oui. On va parler des Game Cult Awards qui ont donc eu lieu hier. Et voilà, les gagnants sont là. Je vais vous les donner, parce que mine de rien, Game Cult, hein, même si je suis le premier ces derniers temps, est un petit peu critique sur 2-3 choses, ça reste quand même un gros, gros, gros du net français, un incontournable. Je vous donne les gagnants. Donc, la machine de l'année 2017 n'est autre que la Nintendo Switch. En numéro 2, nous avons le PC. Après, nous avons la PlayStation 4, la Xbox One. En 5, la Super Nintendo Classic Mini. En 6, la PlayStation Vita. Et en 7, la Nintendo 3DS. Donc, vraiment, ça sent le fin de règne pour la Nintendo 3DS, sans surprise. Sachant qu'en 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012, la machine de l'année, c'était le PC. Pour retrouver une console qui avait gagné ce titre-là au niveau des Game Cult Awards, il faut remonter en 2011, où la PS3, d'ailleurs 2011, 2010, 2009, où la PS3 avait été élue machine de l'année. Donc, c'est encore un exploit à mettre au crédit de la Switch. Vraiment, là, c'est incontestable. La claque visuelle de l'année, c'est Cuphead, donc qui l'emporte. En numéro 2, nous avons Horizon Zero Dawn. Numéro 3, Zelda Breath of the Wild. En 4, Persona. Après, je ne vous fais pas la liste parce qu'elle est très très longue. Sachant que l'année dernière, c'était Uncharted 4 qui avait remporté ce prix, très justement d'ailleurs. Et en 2015, Witcher 3. Concernant la bande-son de l'année, je suis heureux, je suis content, car pour moi, c'est l'une des bandes-son les plus belles de la galaxie. Vous le savez, vous l'aurez deviné, comme vous commencez vraiment à bien me connaître, c'est bien sûr Nier Automata qui gagne donc ce prix de la meilleure OST avec 30% hein, des voix, donc une victoire assez large. Au numéro 2, nous avons Persona 5 et en numéro 3, Zelda Breath of the Wild. Je rappelle qu'en 2016, c'était Final Fantasy XV qui avait remporté ce prix. C'est vrai que la bande-son d'FF15 est absolument magistrale. Vraiment, malgré tout le mal que je pense du jeu, vous le savez, la bande-son d'FF15 est une des plus belles. Hein, de la Terre, de l'univers, de la galaxie. Et en 2015, c'était Hotline Miami 2 qui avait remporté ce trophée. Le Rookie, donc 2017, c'est-à-dire le premier jeu original d'une jeune équipe, un nouveau jeu qui débarque, qui n'est pas issu d'une licence bien installée. Donc bah, c'est Cuphead hein, qui remporte à nouveau ce titre. En numéro 2, nous avons Horizon, et en numéro 3, Hollow Knight, le Metroidvania que j'ai hâte de faire un jour. En 2016, c'était Overwatch hein, qui avait remporté ce prix. En 2015, Ori and the Blind Forest, et en 2014, Shovel Knight. En plaisir coupable, hein, c'est PUBG qui remporte le premier prix, suivi de Assassin's Creed Origins, et en numéro 3, Mass Effect Andromeda. En 2016, bah, c'était Final Fantasy XV. Déception de l'année, Star Wars Battlefront 2. Là encore, hein, vraiment pas de grosse surprise, sachant qu'il arrive à choper ce prix à Mass Effect Andromeda qui arrive deuxième. Mass Effect Andromeda avait vraiment hyper déçu. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que Horizon Zero Dawn, moi personnellement, que je trouve mais exceptionnel, est troisième et dans les déceptions, donc c'est quand même hallucinant. En sixième, on trouve Mario Odyssey, alors là, c'est... et en septième, Zelda Breath of the Wild, huitième, Nier Automata. Alors, je ne comprends pas, soit les gens ont des good shots, ou alors ils s'attendaient à autre chose. Je pense que c'est des jeux qui sont très clivants, en fait. Et ceux qui, comme moi, les adorent, en font l'apologie hein, en permanence. Mais c'est des jeux très clivants, donc on aime ou on n'aime pas. Donc je pense que ceux qui s'attendaient, c'était fait peut-être une idée complètement à eux, ont été déçus puisque le jeu ne s'accorde pas avec leurs attentes. Et finalement, c'est très bien. Vous voyez, moi, je prends toujours cet exemple-là, l'un de mes films cultes. Le film que j'ai peut-être le plus vu de ma vie, c'est Pulp Fiction. Pulp Fiction de Quentin Tarantino, c'est pas un film qui rassemble, c'est pas un film qui fait l'unanimité. Jamais ce film ne fera consensus. Il y a ceux qui détestent farouchement, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau de la narration éclatée, du parti pris, tout ce que vous voulez, et ceux qui adorent, ce qui est mon cas. Donc voilà, ce sont des jeux, pour revenir aux jeux qui nous intéressent, à l'esprit, au contenu, bien tranché, et donc ça plaît ou ça plaît pas, même si ça fait quand même mal au cœur de les voir dans la catégorie déception. Sachant que en 2016, la déception était No Man's Sky. Que No Man's Sky, on l'a un petit peu tous oublié. Je sais pas si certains d'entre vous y jouent encore. L'éditeur de l'année, et ben c'est Nintendo qui remporte la palme. En numéro 2, Bethesda, et en numéro 3, Sony. L'année dernière, bah c'était Sony qui était arrivé numéro 1. Et le jeu de l'année 2017, sans surprise, c'est Zelda Breath of the Wild, suivi en numéro 2 de Persona 5 et en numéro 3, Nier Automata. Un trio qui prouve, si besoin en était, que le jeu japonais sur console est vraiment revenu en force cette année. Ma petite déception, c'est que Resident Evil 7 n'a rien gagné, alors que pour moi, voilà, c'est un jeu exceptionnel, vraiment. En tout cas, il faut dire que 2017 a été un cru tellement énormissime, tellement historique, qu'effectivement, bah, y a des morts hein, dans ce genre d'awards. Dites-moi ce que vous pensez des Game Cult Awards, d'ailleurs, si vous avez suivi les deux cérémonies, que ce soit celle de Gameblog ou de Game Cult, bah, laquelle vous avez préférée, n'hésitez pas à me dire pourquoi, comment, qu'est-ce, car même si là, on s'achemine vers une petite semaine de vacances de la revue de presse JV, le Twitter est toujours actif, est toujours là, on peut continuer à discuter, vous savez, il y a le best-of qui arrive, enfin bref, vous êtes au courant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos petits tweets. Je crois bien qu'il est grand temps d'attaquer une nouvelle rubrique de la revue de presse rétro. Spécial Final Fantasy pour le 30e anniversaire. J'aimerais commencer avec le premier papier qui m'a vraiment marqué concernant Final Fantasy dans la presse française, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, vu les témoignages que j'ai eus sur Facebook et sur Twitter en postant un petit peu une preview des articles que j'allais évoquer aujourd'hui. Il s'agit du test de la version japonaise, hein, donc de Final Fantasy 6, une critique hein, qui a été signée à l'époque donc par Greg, hein, Gregoirello, dans le Joypad. Je pense que le monsieur a fait découvrir à énormément de monde, à toute une génération, même hein, je dirais, le JRPG. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et en plus, ça avait été testé donc, dans un numéro de Joypad qui restait mythique. Et là encore, grâce à Greg, c'était le numéro 31, hein, plus exactement, donc datant de mai 1994. On était en pleine folie Dragon Ball Z en France. Et Greg avait été, alors à ma connaissance, hein, le premier ou l'un des premiers à faire un énorme dossier sur la saga Dragon Ball, et donc la plus précisément d'établir une sorte de timeline de Dragon Ball Z avec une analyse de l'œuvre et un portrait d'Akira Toriyama. Tout ça dans le Joypad, et je trouve qu'à une époque où tous les magazines de jeux vidéo y allaient avec sa couverture de Dragon Ball Z pour faire vendre, hein, parfois, je me souviens plus de titres en particulier, mais il m'est arrivé parfois d'acheter un magazine de jeux vidéo avec Dragon Ball Z en couverture, juste pour une news qui faisait une demi-page à l'intérieur. Là, dans ce numéro 31 de Joypad, on s'était vraiment pas moqué de nous, Greg avait signé vraiment un dossier que je qualifierais de culte. Hein. Et donc, en parlant de culte, cette review de Final Fantasy VI en avait marqué plus d'un, dont votre serviteur, sachant que grâce à mon vieux copain Mickaël, qui m'avait fait découvrir donc à l'époque Final Fantasy VI